Plus d'infos sur département13.fr. C'est le tube de l'été, celui du film Barbie. Voici Dua Lipa et Dance the Night. Dance the Night, c'est la bande originale du film Barbie. Oui, on voit la vie en rose sur France Bleu Provence. Le 16-18 France Bleu. Ici, c'est la Provence. C'est la Provence. Véronique Lopez. La vie en rose avec les clés du bonheur données par Isabelle Delmas. Isabelle, est-ce qu'on peut transformer nos vies en modifiant notre état d'esprit ? Absolument. Au lieu de nous morfondre sur nos insatisfactions, d'accuser le monde, les autres, le mauvais hasard de tous nos maux, efforçons-nous chaque jour un peu plus de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Nous ne sommes souvent victimes que de nous-mêmes, incapables d'admettre qu'il y a du bon et du beau caché derrière toute chose. On raconte que, dans un ancien royaume, vivait un homme qui était connu de toutes parts pour sa grande sagesse. Au début, il ne conseillait que sa famille et ses amis proches. Cependant, sa renommée avait tellement grandi que le souverain lui-même l'appelait fréquemment pour le consulter. Tous les jours, de nombreuses personnes venaient recevoir ses conseils avisés. Le sage remarqua pourtant que certaines venaient toutes les semaines. Elles lui racontaient toujours les mêmes problèmes et écoutaient les mêmes conseils, mais ne les mettaient jamais en pratique. Tout cela avait formé un cercle vicieux. Un jour, le sage réunit tous ces gens qui le consultaient fréquemment. Il leur raconta ensuite une blague très très amusante qui les fit tous éclater de rire. Après cela, il attendit un moment et refit la même blague. Il continua à la raconter pendant 3 heures. Tous étaient désespérés et exaspérés. Le sage leur dit alors « Pourquoi ne pouvez-vous pas rire plusieurs fois de la même blague ?» mais être capable de pleurer 1000 fois pour le même problème. Je vous laisse méditer sur la question. Oui, on va méditer, Isabelle, c'est promis. Merci beaucoup. On va méditer en musique.

France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Provence. Tous les matins, à 11h, vous jouez avec Cédric Frémy sur la terrasse et vous testez vos connaissances sur la région. Et puis, il y a DJ Jean Pastis qui nous régale. Enfin, il nous régale. Bref, oui, il nous régale avec ses remixes. Écoutez d'ailleurs ce qui s'est passé avec Jean de Marseille, c'était ce matin. Je vous appelle le nom d'une ville de la région. Vous me donnez la bonne prononciation. A-L-L-A-U-C-H. Allô? Et de glaçon. Oh, je suis si déçu que vous ne m'ayez pas dit Aloche. Aloche. DJ Jean Pastis. Le meilleur DJ du Sud. Il sait mettre l'ambiance sur la terrasse de France Bleu, Jean. Écoutez, il va remixer un tube, un grand succès. Dites-nous qui chante. Allez Cédric, on peut y aller. C'est parti. L'autre soir. Allez, on monte le son, on y va. Oh là. Ah, bravo Jean Pastis. Je vous l'ai dit, depuis quelques jours, il se surpasse. Oh là là. Alors là, franchement, 6 glaçons ou 3 avec les propositions. Non, propos. Les chaussettes qui puent le soutien-gorge, la petite culotte ou le gros caleçon. Qu'est-ce qu'on prend? Petite culotte. La petite culotte. 3 glaçons. Allez, c'est super, on y va. Let's go. Voilà la petite culotte qui est en concert à Marseille au Nocturne du Beach Soccer Marseille vendredi. C'est gratuit, c'est sur réservation. Et d'ailleurs, en parlant de Beach Soccer, on reçoit dans le 100% M le coach de l'équipe senior des Minons de Marseille qui est championne de France et d'Europe de Beach Soccer. Et pour ce qui concerne la terrasse, eh bien Cédric revient demain à 11h si vous voulez jouer. Vous nous appelez là maintenant au 04 42 38 08 08 pour gagner par tirage 100 € de carte carburant et une box week-end insolite et gourmand. Puis comme ça, vous serez prêt pour demain. 04 42 38 08 08. Les coups de cœur de France Bleu Provence. Mon brel préféré, c'est un spectacle à voir à Marseille. C'est ce soir. Toutes les informations, vous les retrouvez sur Spectacle à Marseille. C'est bien évidemment un hommage à Jacques Brel du plat pays aux marquises de la valse à mille temps. Ne me quitte pas, vous allez pouvoir redécouvrir le magnifique répertoire du grand Jacques. Et c'est donc ce soir au Théâtre de Verdure de Carry-le-Rouet à partir de 18h. D'ici quelques minutes, mon Brel préféré. Vous préférez les marchés nocturnes? Eh bien, pas de problème. Il y en a un et c'est ce soir. Ça a commencé tout à l'heure à 17h. C'est jusqu'à 23h et ça se passe dans le centre-ville de Sisteron. Donc, si vous voulez aller voir ce marché nocturne, c'est à Sisteron que ça se passe. Le festival Les Instants années d'art de Barjols se poursuivent et ce soir à 20h place des Martyrs, vous avez un spectacle L'eau qui rend fou, inspiré d'un conte, spectacle magnifique qui nous fait prendre conscience à quel point l'eau est précieuse et importante dans notre région. Et puis enfin, le département est partenaire du Festival International de Piano de la Roque d'Anthéron et en fait il programme sur la route de Provence, c'est une tournée gratuite de jeunes artistes en résidence dans une dizaine de communes. Et ça permet à vous, public, de découvrir la musique classique autrement, dans des cadres assez sympas. Ça se passe ce soir à Auron, à la place Louis-Étienne. Et c'est à 18h30. Mais pour l'heure, belle soirée, il est pile 18h. Et vous écoutez France Bleu Provence. Demain, concernant la météo, vous aurez un beau soleil avec des températures au lever du jour de 21 à Marseille, Toulon et Aix, 16-19 dans les Alpes provençales, 18 dans l'arrière-pays varois, 19 dans le golfe de Saint-Tropez, 21 en Camargue et le pays salonnais. Et dans l'après-midi, il fera de très grosses températures, 34-36 degrés dans l'intérieur des terres, 28-30 pour le bord de mer. Ça, c'est pour les températures. Et que se passe-t-il sur la route? Eh bien, si en début d'après-midi, ça a été très compliqué, ça va mieux ce soir, notamment sur l'A7, quand vous arrivez de Vitrolles. Il y a eu un accident au Pen Mirabeau, un accident en fait avant la sortie 30A à Saint-Victoret. Ça y est, ça va mieux maintenant, vous mettez 2 minutes en plus sur vos temps de trajet habituels. On est simplement dans un trafic qui est ralenti quand on descend sur l'A7 en venant justement des Pen Mirabeau. Ça va, pareil pour la 51. Quand on est à Marseille, ça circule relativement bien. Dans le Var, c'est toujours sur la 50 en direction de Toulon que c'est compliqué. Plus de 6 minutes pour faire 2 km. Et puis sur la 57, il y a eu juste avant l'échangeur du Tombadou un accident. Donc vous mettez grosso modo une dizaine de minutes pour faire le rond-point de Pierre Ronde, jusqu'à la Valette du Var. Et puis toutes les routes du bord de mer sont très chargées ce soir. Vous rentrez de plage, je vous le souhaite en tous les cas. Il est 18h01. Julie Vialon, le bilan est terrible. 11 victimes en Alsace dans l'incendie d'un gîte. Oui, un gîte qui abritait des personnes handicapées mentales. Elles étaient en vacances tout près de Colmar. Les pompiers ont été alertés très tôt, vers 6h30 ce matin, par la propriétaire du gîte, comme l'explique la vice-procureure de la République de Colmar, Nathalie Kielwasser. C'est elle qui déclenche l'alerte. C'est elle qui entend malheureusement aussi les victimes crier au secours. Et avant, en tout cas, midi 13h, elle n'était pas en mesure de répondre aux questions qu'on avait à lui poser. Les investigations sur le gîte, dont on sait aujourd'hui que c'est un bâtiment composé effectivement de 2 gîtes, un au rez-de-chaussée, un à l'étage, sont également en cours pour savoir si il répondait à toutes les normes de sécurité idoines à l'accueil des publics. Elle est propriétaire du gîte, mais elle a une maison qui est en face. Ceux du rez-de-chaussée sont tous vivants et ceux de l'étage, nous avons effectivement 5 personnes qui ont réussi à partir. Les 11 autres sont décédés. Voilà, 11 personnes décédées dans cet incendie dramatique à Winsenheim en Alsace. La première ministre Elisabeth Borne a interrompu ses vacances dans le Var. Elle s'est rendue sur place pour faire part de sa tristesse et de sa solidarité. Évidemment, une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Un feu qui a pris dans cette grande bâtisse en Colombage, en Alsace, dont une partie s'est effondrée. 17 personnes rescapées ont pu être évacuées. Un enfant de 3 ans s'est noyé dans une piscine privée cet après-midi à Thoronet, dans le Var, bloqué sous l'eau pendant plusieurs minutes. Il a été sorti de la piscine par des personnes présentes qui ont réalisé les premiers gestes d'urgence. À l'arrivée des sapeurs-pompiers, l'enfant avait repris une activité cardiaque. Un homme de 21 ans est mort après une fusillade à Marseille. C'était ce matin vers 10h30 dans la cité du parc Caliste. La victime est morte à l'hôpital après avoir reçu une balle. Une enquête est ouverte par le parquet de Marseille pour assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. Depuis le début de l'année, une 30aine de personnes sont mortes à Marseille sur fond de trafic de stupéfiants. France Bleu Provence, il est 18h04. Des Marseillais résignés, Julie, dégoûtés encore une fois à cause des poubelles. Oui, la grève des agents de nettoyage de la gare Saint-Charles perdure et aujourd'hui, leurs collègues du Grand Port Maritime et du Tramway rejoignent le mouvement. Tous appartiennent à la même société, Laser Propreté, et tous dénoncent des problèmes de salaire, ponctionnés ou carrément absents. Forcément, les déchets s'entassent, ça risque de durer, et Geneviève et son mari n'en peuvent plus. De toute façon, c'est Marseille, hein, c'est tout. Hein. C'est en permanence. Mais enfin, franchement, pour les touristes, vous imaginez ? Nous, on est d'ici, on connaît, mais regardez, c'est l'été, c'est insalubre. Et ça fait partie de Marseille, de toute façon. C'est l'horreur. Ça se répète en permanence. Alors, toujours pareil, toujours sale, toujours par épisode régulier. Moi, je me rappelle de quelques années en arrière où il y avait ça d'ordures dans la rue Paradis. Et on marchait sur des cartons aplatis, on marchait sur des ordures dans la rue Paradis. Et ça n'a pas changé des années plus tard. Non, c'est pareil. Voilà, c'est Marseillais au micro France Bleu Provence de Loubourdie. Et ce soir, l'entreprise de nettoyage répond aux accusations après plusieurs jours de silence. Laser Propreté affirme que tous les salaires ont été payés à la bonne date. Elle dénonce des accusations calomnieuses et infondées de la part des syndicats. Une bonne nouvelle, on pourra randonner demain dans la région. Oui, après plusieurs jours de Mistral, tous les massifs sont de nouveau ouverts demain dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Prudence quand même, il reste un certain nombre de restrictions dans la plupart des massifs. On vous a mis tout le détail sur le site internet de France Bleu Provence. Voilà, et puis une bonne nouvelle aussi pour les amoureux de rugby. Lors de leur séjour à la Seyne-sur-Mer pour la Coupe du Monde qui démarre dans moins d'un mois, les joueurs de l'Afrique du Sud iront à la rencontre du public. Les tribunes du stade Mayol seront ouvertes pour deux entraînements des champions du monde en titre les 14 et 28 septembre au matin. D'autres rencontres sont aussi prévues avec des écoles. Les détails aussi sur francebleu.fr. Et puis ça y est, oui. On y est, ça y est Julie, c'est jour de match pour l'OM. Oui, les Olympiens affrontent les Grecs du Panathinaikos ce soir chez eux. Donc coup d'envoi à 20h, ce sera en intégralité évidemment et en direct sur France Bleu Provence. Alors ça se passe à 2000 km, oui. Mais vous Bruno Blanza, vous y êtes pour France Bleu Provence. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Et oui, parce que, bonsoir les filles, mais parce que c'est quand même le gros rendez-vous de ce début de saison. Et vous savez que sur France Bleu Provence, on est présent à toutes les rencontres de l'Olympique de Marseille, mais quand il y a une importance telle que celle de ce soir, on se doit encore plus d'être présent pour vous proposer à tous les amoureux de l'OM que vous êtes, tout simplement la première prestation officielle des hommes du nouvel entraîneur Marcelino, les recrues sur le terrain, les Aubameyang, les Ndiaye, les Sarr notamment, les Kondogbia, et puis l'impératif de se qualifier bien évidemment. Alors ce n'est que la manche aller, hein, dans ce stade qui va être bouillant. Je suis aux abords de ce petit stade là dans ce quartier d'Athènes sur l'une des collines de la ville. Il est devant moi, 17-18 000 spectateurs, un soleil qui est encore bien chaud. Les supporters commencent à arriver également, mais je vous le disais, l'OM va souffrir, mais l'OM ne doit pas craquer en vue du match retour. Au moins un résultat nul pour rester en vie. Logiquement, il n'y a pas photo entre les deux équipes, mais on ne sait jamais. Le Pana a déjà deux matchs dans les jambes, donc vigilance également du côté olympien. Les Marseillais qui vont devoir faire parler notamment leur expérience pour continuer de rêver à la Ligue des Champions. Vous restez avec nous Bruno, on en parle bien évidemment d'ici une poignée de secondes dans le 100% OM. Merci beaucoup Julie, les prochaines infos, c'est à 19h. La météo 100% locale avec le parc animalier de la Barbin, le plus grand parc animalier de la région, entre Aix et Salon de Provence. Demain, c'est un grand soleil. Alors, c'est pas le soleil. Oh, quoique si, ça va être le soleil de Grèce demain, parce qu'on nous annonce dans l'après-midi, Julie, 34-36 à l'intérieur des terres. Ah oui. Ah oui, quand même. Quand même. 28-30 sur le bord de mer. Ça sera pour les maximales. Au lever du jour, on est sur du 21 à Marseille, Toulon et Aix. 16-19 dans les Alpes provençales où on respire un peu mieux. 21 en Camargue et sur le pays salonnais. Ça, c'est pour les températures. Donc, vous l'avez dit, les massifs vont être ouverts. On pourra randonner sous restriction, bien évidemment. Et puis concernant la route, à 18h08, on va regarder, alors ça va de mieux en mieux, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même de gros accidents en début d'après-midi. Ça y est, pour ce qui est de l'A7, il y avait deux accidents au Pays-de-Mirabeau et puis avant les Égalades, c'est fini. Maintenant ça circule, c'est un trafic ralenti, mais ça circule, on n'est plus coincé du tout. Concernant l'A50, au niveau de la Valentine, ça se remplit tout doucement en direction de Marseille, mais là aussi c'est un trafic ralenti, pas de rouge. En revanche, où c'est rouge, c'est plutôt sur le Pays Varois, notamment sur la 50. Quand on arrive de Olioule et qu'on veut aller dans le centre de Toulon, on met plus de 7 minutes pour faire 2 km. Et puis, il y a eu cet accident après l'échangeur du Tombadou, donc sur la 57 en direction de la Valette. Et alors là, quand vous arrivez de la 570 et que vous voulez reprendre la 57, eh bien, vous mettez bien 15 minutes en plus sur votre temps de trajet habituel. Et puis, il y a toutes les routes de retour de plage, que ce soit la presqu'île de Gien pour retrouver hier 11 minutes, que ce soit depuis Cavalère, depuis plutôt la Croix-Valmer pour aller à Cavalère, 16 minutes en plus. Au Lavandou, vous mettez 16 minutes également. Et dans le golfe de Saint-Tropez, on est à 22 minutes pour quitter Saint-Tropez. Et pour aller à Sainte-Maxime, on est à 27 minutes. Pour quitter Sainte-Maxime, on est à 15 minutes. Il est 18h09. Vous avez chaussé les crampons ? Oui, vous avez raison, parce que c'est l'heure. Sur France Bleu Provence, Véronique Lopez. Tonnerre de Zeus, les 12 dieux de l'Olympe sont réunis ce soir pour voir si leurs combattants vont tenir le choc. Les ciels et blancs de Phocée viennent ce soir affronter les Athéniens du Panathinaïkos en tour préliminaire de l'UEFA. Les divinités sportives de France Bleu, Bruno Blanza et Fabien Laurenti commenteront la rencontre en direct, en intégralité, dès 20h. Et dès 19h45, nous, humains, vivrons l'avant-match avec la composition de l'équipe, les dernières infos. Lui aussi évoque Apollon et Euphron, les dieux du sport, quand son équipe va jouer sur le terrain. C'est notre invité du jour, du 100% M. C'est Mehdi Sarraoui, coach de l'équipe senior de beach soccer, les Minots de Marseille. Salut. Et bonjour. Bienvenue dans ce 100% OM. Il aurait pu être Polymnie, muse de la rhétorique, ou Pidi, muse du jeu, de l'amusement. Avec lui, Eudémonie, la muse du bonheur, est toujours présente, mais quand il parle de l'OM, c'est Athéna, déesse de l'habileté, de la stratégie guerrière qui l'habite. C'est notre Omar Kedadouche. Eh bien, tout ça, merci Véro, bonsoir. Bonsoir Medji. On est ravis de vous retrouver. Bah, Athéna, j'aurais préféré Zeus quand même. Mais oui, mais non, parce que Zeus, c'est le dieu des dieux. Là, Athéna, c'est quand même, c'est elle qui a la stratégie guerrière, tu vois. Donc c'est pour ça. 18h45, Fernand Bonadigui, c'est Clio, notre muse de l'histoire, la mémoire de l'OM, avec son site omforever.com qui nous parlera des rencontres face aux Grecs. Olympiens. Héphaïstos, le dieu du feu, s'empare de vous ce soir. 100% M, que l'Odyssée commence. 100% OM. 100% OM. Et ça fait Zumba, caféo, caféo, carnaval. Je suis dans le 4-4 TNT, pisté par la banale. Et ça fait Zumba, caféo. Alors, 100% OM. On était avec Bruno qui était aux abords de ce stade. Bruno, vous êtes toujours là avec nous? Non, Bruno, il est reparti. On va l'avoir d'ici 5 minutes. Il va nous donner la feuille de match, on l'espère. Hein. Il est en train de rentrer dans le stade, on me dit, dans l'oreillette. Et donc, on l'aura d'ici quelques minutes. On est donc avec notre invité, avec Mehdi. Je voulais savoir, est-ce que vous tremblez comme on tremble tous? Parce que j'ai l'impression que tout le monde tremble ce soir à cette idée de ce premier match, de ce match préliminaire. Est-ce que vous êtes dans le même état que nous? En fait, pas trop, parce que je pars du principe où la peur engendre la peur, la c'est crainte vrai. Engendre la crainte. Donc, du coup, si on commence un petit peu à leur mettre ça dans la tête, j'ai peur qu'ils commencent à trembler. Donc là, on sent le coach en lui, puisque Mehdi Sarraoui, c'est le coach de l'équipe senior de beach soccer qui est championne d'Europe, championne de France, les Minots de Marseille. On était avec le Gaul qui était hier avec nous. Mehdi, on sent cette sagesse de coach, effectivement, pour rester serein, l'esprit bien frais, pour aborder des matchs. Vous allez nous rappeler ce qu'est le soccer. C'est ce foot de plage que vous pratiquez à Marseille. Et vous avez l'équipe senior, c'est-à-dire c'est quel âge à quel âge? Alors nous, l'équipe senior, ben, on est un des très bons exemples parce que le joueur le plus âgé de mon effectif a 45 ans. Ouais. Et les joueurs les plus jeunes ont 30 ans dans mon effectif, mais ça peut aller jusqu'à 18 ans. Et je voulais juste préciser un petit truc, c'est qu'on est deux coachs, on travaille à deux. Ah, alors faut parler de votre collègue, effectivement. Oui. Donc j'ai une petite pensée particulière à Jairzinho Cardoso, ouais. Champion du monde en 2005, et avec qui on travaille ensemble, on bosse ensemble depuis le début de saison. Ouais. Et donc, une petite pensée particulière pour toi, Jair, on ne t'oublie pas. Non. Jair, on est là aussi. Hein. Il y a Mehdi qui est là, mais Jair, il est avec nous, effectivement. Donc, deux coachs pour cette équipe senior qui a des titres, elle aussi. Oui, alors, nous, cette année, on a réussi, on a fait ce qu'il fallait en essayant de mettre Marseille sur la carte de l'Europe au niveau du beach soccer. Ouais. Au niveau européen, on a remporté l'équivalent de l'Europa League, wow, en foot à 11, donc la deuxième compétition européenne. Pour parler un petit peu de ce qu'on disait par rapport à l'OM sur la crainte engendre la crainte, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Ça a toujours été des matchs à rebondissement, on a souvent été mené et on a toujours réussi à franchir ce cap, ce petit truc, surmonter ça au niveau mental et passer au-dessus pour renverser les matchs. Et on a enchaîné ensuite par le championnat régional, puis national, qu'on a remporté il y a à peu près 10 jours, donc c'est tout frais. C'est une grande, grande fierté pour nous. Mais oui. Et je pense pour tous les Marseillais. On aura comme vous expliquez, c'était On était à Saint-Jean-de-Monts, du côté de Nantes, et toute la Vendée parlait Marseillais. Ils étaient l'accent du sud, ils étaient tous contents pour nous. Toute la Vendée était en ciel et bleu, et en ciel et blanc, et avec le sourire, la banane et l'accent marseillais. Ah, d'ailleurs, même le soleil est sorti. D'ailleurs, il paraît que le Puy du Fou s'appelle plus le Puy du Fou, ça s'appelle le Puy du Minot. Mais... ça serait pas mal, ça. Ou alors le Puy du Foot. Alors. Voilà, ou le Puy du Foot, pas mal aussi. Il faut savoir, Véro, pour les... Ouais. Parce que bon, notre émission est écoutée par les fans de foot, mais oui, par des novices qui aiment bien l'émission. Mais quand on dit senior, c'est pas les personnes âgées. Non, c'est à partir tout. De. Non, mais c'est important. Parce que nous, on est dans le ballon, on le sait. Senior, tu es senior à partir de 18 ans. Et tu es vétéran à partir de 35 ans. Cristiano Ronaldo, par exemple, il est tout beau, tout musclé, mais il est vétéran. Il est vétéran. Parce qu'il a passé les 35 ans. Pareil, bon, j'allais dire Zlatan, il a arrêté. Non. Et pareil pour tous ceux qui ont plus de 35 ans. Bien sûr. Et surtout que là, il faut noter que, on en parlait hier, c'est un sport extrêmement physique. Parce que je vous rappelle qu'il joue dans le sable, il court dans le sable. Et hier, quand il est parti, il me disait, Samir, il y a une chose aussi, on n'a pas le temps d'en parler, donc du coup, on prend 3 secondes pour en parler, parce que je trouve que c'est très intéressant. C'est qu'en plus de ça, vous devez vous adapter aux différents sables. Parce qu'il y a des sables qui sont brûlants, des sables qui sont très humides, très lourds, donc c'est très très dur de jouer. Expliquez-nous ça aussi, ça fait partie de votre jeu. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a même le sable d'un jour à l'autre, est complètement différent. Il suffit que les conditions météorologiques ne sont pas les mêmes. À Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, premier jour, il pleuvait. Ah, j'imagine. Jour, venteux. Donc, le sable, ça, c'est jamais le même. Et les différents types de sable, il y a du beach soccer qui se pratique en bord de mer. Ouais. Et il y a du beach soccer qui se pratique dans des terrains qu'on a conçus exprès. D'accord. Le terrain de Marseille qui se trouve à 2 hôtels, c'est pas du tout du sable comme on peut trouver sur les plages. Bien sûr. Un autre type de sable. Donc, obligé de s'adapter aux différents types de sable, mais le sport en lui-même reste le même. Les tiers-temps, 3 tiers-temps de 12 minutes, super physique, avec beaucoup de rotation, de remplacement pour faire souffler les gars. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose à voir et je vous invite à l'occasion à passer. Et à venir ce week-end, puisque ce week-end, sur les plages du Prado, on pourra voir le beach soccer, un sport qu'il faut effectivement aller découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Merci beaucoup. Sam Véro, pour se donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne pratiquent pas le... Ben, rien que vous marchez dans le sable, c'est fatigant quand tu marches. Et courir encore, alors, et faire un footing, c'est dur. Il y a des mecs comme Samir qu'on a reçu hier qui se font des envolées, puis il y en a qui font des ciseaux retournés. Moi, j'adore de voir les ciseaux retournés. C'est magique, ça fait samba foot. Puis le sable qui se... Moi, depuis Olivier Thom, quand Marc Lander s'y s'entraînait sur le sable avec son coach là, je trouvais ça fascinant, tu vois, parce que c'est on rigole, mais c'est dur. Ah non, non, c'est très, très dur. On rigole pas. C'est du sport de haut niveau et on est ravis. Merci, Omar, de nous amener ces deux grands champions qui sont là à nos côtés, 100% OM jusqu'à 19h. Vous restez avec nous. On va jeter un petit coup d'œil sur la route. Jusqu'à 18h18, eh bien, ça continue d'être compliqué sur la route, notamment sur celle des plages. 33 minutes pour quitter Saint-Tropez et pour rejoindre Grimaud. Et dans l'autre sens, 24 minutes pour aller jusqu'à Sainte-Maxime. C'est pareil, quand vous êtes à la Croix-Valmer, vous voulez aller à Cavalaire, 27 minutes pour faire 2 km. Le Lavandou, on est sur les mêmes temps de parcours. Pareil, lorsque vous quittez la presqu'île de Gien pour rejoindre hier, 11 minutes hein, pour faire ces 2 petits kilomètres qui vous ramènent jusqu'à hier. Au niveau de la 57, ça va mieux, ça y est, ça circule maintenant. Le trafic est certes ralenti, mais vous roulez. Et puis, je regarde à Saint-Cyr aussi, sur la départementale 559, 10 minutes pour faire 1 km à Saint-Cyr-sur-Mer pour aller à La Ciotat. Et du côté de Marseille, bah écoutez, ça circule relativement bien. C'est juste au niveau d'Arinque que ça coince sur 4-5 km. Le trafic est ralenti, mais pas bloqué. Et puis, quand vous arrivez depuis Aix-en-Provence et que vous voulez descendre à Marseille, bah ça roule sur la 7 ou sur la 51. Il est 18h19. L'infotrafic 100% local avec département 13. Contre les incendies, soyons vigilants. 9 incendies sur 10 sont provoqués par l'homme. Plus d'infos sur département13.fr. Coolio, Gangster Paradise, c'est ce que vous écoutez maintenant sur France Bleu Provence. On est ensemble jusqu'à 19h, 100% OM. Et puis ensuite, il y aura la grande soirée foot à vivre en direct, en intégralité. Bruno Bloza aux commandes de ce match. As

les standards habituels, notamment de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions. D'ailleurs, ce stade sera homologué pour ce tour-là, éventuellement, et on ne l'espère pas si les joueurs du PANA vont au tour suivant, mais s'ils basculent en phase de groupe, déjà c'est validé pour eux, en phase de groupe de Ligue Europe, et ils ne pourront pas jouer dans ce stade-là, qui ne sera pas homologué par l'UEFA. Il y a un énorme bus de policiers là, qui passe devant moi, et les joueurs de l'OM sont arrivés il y a 3-4 minutes. Ils sont sortis très rapidement, très honnêtement, de leur car, vraiment escortés avec beaucoup de policiers, 4 ou 5 motos devant. Vraiment, en termes de sécurité, c'est assez impressionnant. On a même un hélicoptère qui survole en ce moment le stade et la ville, là, ce qui est très rare quand même ici. Et il est juste au-dessus de nous pour l'arrivée cette fois-ci des joueurs du Panathinaikos. Mais les joueurs marseillais, avec vraiment le visage fermé, ils sont tous là. Déjà, je vous le confirme, on les a tous bien vus. Mais voilà, j'ai vu notamment Amin Harit avec ses écouteurs, voilà, vraiment très concentrés tous. Aubameyang, que ce soit également Ismaïla Sarr, le bus de l'OM qui est arrivé sous les sifflets de quelques supporters, puisque la route est bloquée où nous nous trouvons là-bas. Je les vois à une centaine de mètres bloqués par les policiers. Mm-hmm. Et j'entends pile en ce moment-là, en ce moment même, alors que je suis à l'extérieur du stade, oui. Mais ce stade est assez petit, hein, 17-18 000 places. C'est trois fois plus petit que le Vélodrome. Bien sûr. Bien, j'entends les joueurs de l'OM probablement qui sont en train de reconnaître la pelouse et les sifflets déjà des supporters grecs qui sont présents dans la tribune. Ça donne un peu le ton, mais je voulais vous proposer cette image, cette carte postale en direct. Ça donne le ton de cette rencontre qui va vraiment être une vraie rencontre de Ligue des Champions pour nos Olympiens. Et Bruno, un petit mot quand même sur l'arbitre István Kovács. Oui. Arbitre qui a, c'est sa troisième club français arbitré hein, par lui, en C1. Ça doit être un Hongrois, lui, non ? C'est un Roumain. Qui est assez expérimenté. Hein. Il a 38 ans, mais il a déjà arbitré des gros matchs de Ligue des Champions. Il y a eu une saison, enfin, pas la saison dernière, la saison d'avant, il a arbitré la finale de la Ligue Europe Conférence, vous savez, celle où l'OM s'est fait éliminer en demi-finale par le Feyenoord. Oui. Donc il a déjà une certaine expérience. La saison dernière, il a arbitré un quart de finale de Ligue des Champions entre le Milan AC et Naples, par exemple. Mmh. Et la saison d'avant, souvenez-vous de ce fameux match entre Manchester City et le Real Madrid, 4-3, donc il y a un an et demi, demi-finale aller de Ligue des Champions. C'est lui qui avait également arbitré. Donc c'est quand même un sifflet d'expérience que vont avoir les Olympiens ce soir. Il y a l'arbitrage vidéo, c'est important aussi de le signaler. Donc là-dessus, voilà, même s'il y aura une vraie pression locale, une grosse ambiance, voilà, cet arbitre-là, logiquement, il sera au niveau. Ben super. Dernière chose, Bruno, je regardais les statistiques sur statomp.fr. Les 5 prédécesseurs. Ouais, c'est du 50-50, hein. Ouais, voilà, c'est 50-50, effectivement. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a surtout une chose, c'est que, en matière d'intronisation, puisque c'est quand même l'intronisation, hein, du coach, eh bien, il faut savoir que des 5 précédents entraîneurs, eh bien, seuls Sampaoli et Tudor ont débuté leur intronisation par une victoire. Donc on espère qu'il y ait un 3, jamais 2 sans 3, et qu'il y ait là aussi une victoire du nouveau coach. Ce qui est particulier vraiment, c'est le fait de débuter par un aussi gros match. Oui, c'est sûr. Certes, il y a un match retour, mais c'est surtout ça. D'habitude, il y a souvent un ou deux matchs de Ligue 1, du championnat, pour se mettre en route. Là, non, c'est de suite dans les grands bains. Alors moi, je trouve que sur le papier, les Olympiens ont un début de calendrier en championnat vraiment avantageux, hein, parce qu'il y a la réception de Reims ce week-end. Ensuite, il faudra aller à Metz. Recevoir Brest et aller à Nantes sur les 4 premiers matchs avant la trêve internationale, la première du mois de septembre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que peut-être que Marcelino fera aussi tourner en championnat. Mais débuter comme ça de suite, alors qu'il n'y a eu que 4 matchs amicaux, même si le dernier, il y a eu beaucoup d'intensité la semaine dernière au Vélodrome face au Bayer Leverkusen. Voilà, c'est peut-être un petit piège. D'ailleurs, Marcelino l'a reconnu hier, l'entraîneur espagnol de l'OM, le nouveau technicien. Il a dit, c'est vrai qu'il ne tombe pas forcément au bon moment ce match. Le PANA est en forme, le PANA est en confiance. Alors, c'est une équipe logiquement, largement à la portée des Marseillais. Mais très honnêtement, il y a des joueurs de qualité. Il y a des internationaux de l'autre côté. Il y a des joueurs aussi qui viennent de première division espagnole, de clubs de milieu de tableau ou qui ont joué en Ligue 2 dans certains championnats. Voilà, mais il y a quelques bons petits joueurs. Il y a un gardien qui est un Italien qui est aussi un peu en feu en ce moment. Voilà, faudra bien gérer ça, gérer aussi les émotions. Mais encore une fois, l'OM a toutes les cartes. même si physiquement les Marseillais sont loin d'être à 100%, à toutes les cartes pour ne pas tomber dans le piège ce soir du Pana. On se retrouve tout à l'heure, Bruno, pour l'avant-match vers 19h45. Merci, Bruno. Ancien club de Djibril Cissé et le stade s'appelle Apostolos Nikolaïdis. C'est grec, c'est sûr. C'est sûr que c'est grec. Au bon lait de brebis. Et ils ont un avant-centre Sporar qui a marqué là les 3 des 5 derniers buts du Pana. Ouais. Donc c'est vraiment lui qu'il faudra avoir dans le viseur. Bruno, oui. Il était là, il y a 3 secondes, ça y est, on le retrouvera. Il avait quelque chose à nous dire, Bruno. Sans faire de jeu de mots, oui. Véro, tu as dit tout à l'heure 50-50, oui. Mais il y a aussi 50 millions à la clé, on va en parler. On va en reparler, effectivement. On va faire un point sur la route et on va justement entamer ça avec Omar. Il a entièrement raison, parce qu'il y a des gros sous à la clé, c'est très important d'en parler. Puis on va avoir votre avis, Mehdi Sarraoui, le coach de l'équipe senior de beach soccer, les Minots de Marseille, savoir justement sur cet enjeu financier, ce que vous en pensez. 18h30. Sur la route sur France Bleu Provence. Ça va mieux, ça y est, sur les axes routiers. Quand vous rentrez des plages, ça se résorbe tout doucement. Il y a encore, quand même, depuis Saint-Tropez, en direction de Grimaud, 47 minutes de patience. Pour aller à Sainte-Maxime, 32 minutes de patience. Pour aller à Cavalaire, depuis la Croix-Valmer, 30 minutes. Le Lavandou, vous voulez sortir des plages, vous mettez 12 minutes. C'est pareil pour la presqu'île de Gien, vous mettez 13 minutes pour faire 2 kilomètres. Ça circule maintenant sur la 57, c'est plutôt bien. Au niveau de Saint-Cyr, en direction de la Ciotat, pareil, 10 minutes pour faire 2 kilomètres. Ça commence à se remplir, par contre, sur la 50. Mais c'est un trafic ralenti. C'est à la peine sur Uvonne, en direction de Marseille-Centre. Sinon, ailleurs, ça circule relativement bien. Et puis, c'est de nouveau encombré depuis les Pennes Mirabeau pour descendre sur Marseille par la 7, avec 5 minutes en plus. Pareil, quand vous arrivez depuis Cabriès, depuis la 51 pour descendre sur Marseille, là aussi, 5 petites minutes. Mais c'est rien du tout par rapport à d'habitude, il est 18h31. L'infotrafic 100% local avec département 13. Contre les incendies, soyons vigilants. 9 incendies sur 10 sont provoqués par l'homme. Plus d'infos sur département13.fr. Et pour faire le point sur les travaux de nuit et les fermetures d'autoroutes, on a Cédric Frémy et on part direction Toulon. Allez, on commence en direction de Nice. Le tunnel, la 57 jusqu'à la Valette Sud et la bretelle de sortie, la Valette Nord, fermée de 21h à 6h. Et dans l'autre sens, en direction de Marseille, les bretelles d'entrée sur la 57, la Valette Nord, la Valette Sud et la Palace, le tunnel et la 50 entre Toulon et Château-Vallon, également de 21h à 6h. Et c'est tout. Vous avez les fermetures sur francebleu.fr/Provence. Merci Cédric, c'est bien noté. J'ai pas dû ramener. Les Lyonnes sur France Bleu Provence, c'est Yannick Noah, un autre grand champion, mais là c'est en tennis, mais il adore le foot Yannick. Donc peut-être qu'il nous écoute, on sait jamais s'il est en vacances dans le coin. Un gros bisou à lui, Yannick Noah, les Lyonnes sur France Bleu Provence. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton chaud le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien. Surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien. Chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, les la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Dans leur seau bien plein, fatigué mais toujours sereine. De la terre et des Il nous avait fait rêver en 1983, Yannick Noah, Lyon sur France Bleu Provence. Jamais les premiers. 100% OM. 100% OM. Véronique Lopez. Omar Kedadou, chez notre invité, Mehdi Sarraoui, qui est coach de l'équipe senior de beach soccer, les Minots de Marseille. Et les Minots de Marseille, bah, c'est la classe à Dallas, parce qu'ils sont champions de France, ils sont champions d'Europe. Bref, ce sont de grands, grands, grands sportifs. Et on est ravis, très honorés de les avoir avec nous. C'était le cas hier avec le goal et ce soir avec le coach. Et ils font un très bon travail aussi en amateur. Voilà. Et je salue le président Guillaume Bonnat et toute son équipe. Parce que les grands, c'est bien, ouais. Mais les minots, c'est bien aussi. On est d'accord. C'est pour ça que le club s'appelle Minots de Marseille. Alors, quand on est amateur, on doit gérer des sous, comme les très grands. Oh et, oui. Et Omar, il sait de quoi il parle, oh en oui. tant que président de club. Et justement, cette UEFA, ce tour préliminaire, eh bien, on doit le gagner pour plusieurs raisons, mais aussi pour question d'argent. Parce que Omar, on a parlé de beaucoup de sport, mais on doit parler d'argent parce que faut pas se leurrer. Et il y a beaucoup d'argent en jeu. Et oui. Et là, c'est bon. Il y a évidemment la compétition qui fait rêver le monde entier, la Ligue des Champions. Mais voilà, l'OM empocherait 15,64 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Plus les bonus entre 8 et 10 millions d'euros selon la position du club au coefficient. Coefficient UEFA, bien sûr, en sachant que le différentiel avec l'UEFA, l'Europa League, mm-hmm. chacun de l'un chaque année, il est de 17 voire de 19 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Je veux dire, voilà. Moi, donc, j'avais calculé l'OM que a l'obligation, Véro, de se qualifier. Donc, tout à l'heure, on parlait de pression, pas pression. C'est vrai que Panathinaikos, c'est pas Arsenal, c'est pas Liverpool, non. c'est pas le Real, mais c'est le club qui peut t'empêcher de décrocher ce jackpot ouais. et qui va te mettre en difficulté parce que l'OM en a besoin de cet argent. De cet argent, parce que en tout, moi j'ai calculé, on est pratiquement à 50 millions quand même. C'est parce qu'après viennent se rajouter les droits TV, etc. Voilà. Donc oui, il y a du prestige, mais il y a aussi beaucoup d'argent. Mehdi, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Bon, mais déjà c'est bien qu'on en parle parce que c'est souvent un sujet qu'on a du mal à aborder. Aspect économique. L'aspect économique pour un club, même comme l'Olympique de Marseille, c'est super important dans le sens où on a tout fait la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue des Champions. On finit à cette troisième place, on joue les barrages, on a, je pense, un tirage favorable. On aurait pu tomber sur d'autres adversaires, on est tombé contre le Panathinaikos. On a la chance d'être tombé sur cette équipe-là. Un petit point sportif sur cette équipe-là qui finit deuxième derrière l'AEK Athènes, qui a dans ses rangs, donc on en a parlé, Sporar, et des joueurs comme Bernard et Palacio, des joueurs d'expérience. Mais à part ça, nous, on a qui dans notre équipe? Nous, quand Omar nous parle de on est dans l'obligation de le faire. Si on ne le fait pas, pour moi, je pense que ça serait une faute professionnelle. De ne pas se qualifier, ça serait une faute professionnelle. Sachant qu'on a un tirage favorable et qu'on est tous conscients, si nous, autour du plateau, sommes au courant de ces sommes-là, les joueurs le sont et le coach, tout le monde le sait. Quoi. Et alors puis, Mehdi, on ne va pas se mentir, excuse-moi Véro, mais si tu n'es pas capable, sans leur manquer de respect, de sortir le Pana ou le Baka, je ne sais pas quoi, là, après, si Braga. On passe, à un moment donné, tu veux jouer Barcelone, tu veux jouer le Real, tu veux jouer Milan, tu veux jouer Chelsea, tu veux jouer Liverpool, je veux dire, voilà, ça veut dire qu'on sera à notre place. Mais on se met vraiment en difficulté. Et je le disais hier, mais ça c'est une supposition de ma part, ça n'engage que moi. Peut-être qu'un Guendouzi, si tu es qualifié, va rester, parce que Guendouzi, on entend ici et là qu'il y a des clubs anglais qui sont dessus, mais peut-être que si tu joues une Champions League, au lieu d'aller dans des clubs comme West Ham ou compagnie, où il gagnera de l'argent, je ne me fais pas de soucis pour lui, mais sportivement, voilà, parce que c'est quand même un international, c'est quand même... Ben, peut-être qu'il va rester. Bon, Sanchez, c'est mort, il est déjà parti, et peut-être qu'il y a des joueurs qui, s'ils hésitent, bon, Rongier, on en parle, mais Rongier, pourquoi il joue pas? Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Faudra qu'on demande, pose la question à vous, non? Effectivement, parce que pourquoi s'il joue Rongier pas, est pas là? Parce qu'il est sur le départ. Alors. Et là, tu perds quand même du lourd. Ah quoi. Oui, Rongier. Même si tu as pris Kongogbia, là. Ah oui. Parce que je pense qu'il y a un petit embouteillage au niveau du milieu de terrain. Je pense qu'on a Rongier, Kongogbia, Verretou, Guendouzi, éventuellement Pape Gueye, quand il aura purgé ses suspensions de 4 mois. Donc je pense qu'on a un embouteillage et que c'est des valeurs marchandes. Après, moi je suis contre le départ de Guendouzi. Faut pas oublier tout ce qu'il a fait de bien. il a des responsabilités. À Arsenal, il n'en avait pas tant que ça. L'année dernière, il en a eu. La première année, sous Sampaoli, donc ça a été le taulier. Il ne faut pas non plus le mettre à l'écart. Pour Rongier, c'est pareil. Pour moi, personnellement, Rongier est le meilleur milieu de terrain récupérateur qu'on ait. Je ne dis pas de mal sur les autres. Loin de là, on a un très bel effectif. Mais pour moi, Rongier est numéro un dans la hiérarchie. Ce n'est pas un gros nom, ce n'est pas un tape à l'œil. On est d'accord. Il n'y a pas de tatouage, il n'y a pas de teinture. Il fait un boulot incroyable. C'est bien, mais tu dis ça parce qu'avec Véro, on en a parlé hier, et Samir. Et c'est vrai que c'est une valeur sûre. Et puis c'est un mec, c'est un soldat. Moi j'aime bien les joueurs comme ça. C'est-à-dire que Rongier, c'est un milieu de métier. Mais tu lui dis, il joue arrière. Joue latéral, il joue latéral. Va couper les citrons, il va couper les citrons. Exactement. C'est-à-dire que c'est un mec, il est club. Et jamais tu l'entends dans la presse te dire, ouais, mais bon, je suis pas à l'aise, machin. Il est là, au contraire, moi j'ai toujours pensé c'est un gentil, mais il prend ses responsabilités. C'était mardi dernier, la semaine dernière, où justement on a tenu à rendre hommage à Rongier, parce qu'effectivement on pense exactement ça, et ça nous fait drôle effectivement de ne pas l'avoir sur la feuille de match. On verra, parce que attention, peut-être que... Je voulais m'adresser au coach, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant, vraiment Mehdi, tout à l'heure, quand vous avez dit ça serait une faute professionnelle. Vous êtes coach, vous savez de quoi vous parlez, mais moi, je m'adresse au coach, pas aux supporters. Comment on fait quand effectivement on se retrouve à devoir jouer d'emblée un match capital comme ça sans avoir pu jauger avant avec des matchs moins importants? C'est quand même compliqué. Ils sont dans une configuration qui est quand même vraiment compliquée là. Oui, donc c'est compliqué pour les joueurs, c'est compliqué pour le coach. Il ne faut pas oublier que ça reste quand même des joueurs d'expérience. Que s'ils n'ont pas pu travailler ensemble depuis beaucoup plus longtemps, et que ça fait qu'un mois et quatre jours exactement, les un mois et cinq jours aujourd'hui, que le coach est arrivé, il y a quand même eu le temps, je pense, pour ceux qui étaient déjà là, de préparer quelque chose, d'avoir une ligne directive. Le coach a quand même réussi à travailler avec une majorité de l'équipe, on va dire 80% de son effectif. Après, les joueurs qui sont venus se greffer, Aubameyang, Ismaïl Assar, ce sont quand même des joueurs d'expérience. Parce qu'on parle de joueurs. Ismaïl Assar, il est d'accord, on l'a récupéré, il était en championship. Il a quand même joué une CAN récemment, une CAN qu'il a remportée. C'est des mecs qui ont l'expérience du haut niveau. Et quand tu joues contre toi, il te fait mal il y a deux ans. C'est avec Mats, c'était il y a 2-3 ans. Là. Oui, Aubameyang, c'est un mercenaire. Le gars, il a fait Chelsea, Barcelone, l'OM. Avant ça, il était à Dortmund. Donc, et avant ça, après il est parti à Arsenal. Le mec, il a fait les meilleurs clubs européens, le gars. Donc si lui, il peut pas nous apporter son expérience et qu'il commence à douter sur un match comme ça, moi je pense que c'est plus ces genres de joueurs qui vont nous tirer vers le haut. Et il faut rester focus. Il faut pas avoir la pression. Nous, l'Olympique de Marseille, on a l'effet inverse. Ce qu'il disait tout à l'heure Bruno, on nous disait que le stade, il est trois fois moins grand. Il y a trois fois moins de supporters qu'au Vélodrome. Donc on va dire que ça fait 20 000 personnes. 17 000 personnes. Donc nous au Vélodrome, les joueurs ont tendance à jouer avec le frère à main. Pourtant on est à domicile. Eh ben qui se libère à l'extérieur, ils nous l'ont toujours prouvé, ils nous l'ont toujours montré. Après Mehdi, attention, certes c'est un petit stade. Mais attention, ça va être chaud. C'est un petit chaudron. C'est un chaudron. En Grèce, je veux dire, les clubs comme le Pana, tu as 18 000 spectateurs, tu as 16 000 fadas. Et tu as les 1000 bruyants. Et après, allez, tu as les 1000, dans les 1000, allez, tu as peut-être 200 invités. Bon, c'est vraiment, c'est pas Monaco, Lyon, Guingamp. Et tout à l'heure. C'est vraiment des clubs, c'est des pays de football. Ouais. Et tout à l'heure, d'ailleurs, tonton Fernand, à 18h45, dans 2-3 minutes, là, il va justement nous expliquer ça, nous expliquer les matchs face aux Grecs. À quel point ils ont toujours été compliqués, les matchs face aux Grecs, parce que les équipes grecques, on sait, elles jouent dur. Et puis surtout, il y a des supporters, comme tu le disais, Omar, ce sont des fadas. Je me souviens d'un match, mais les plus de 30 ans s'en souviennent. L'OM est en D2. Ouais. On avait été rétrogradé. Ouais. On avait joué contre Olympiakos, le Pirée. Et je me rappelle de Jean-Christophe Marquet, qui aujourd'hui s'occupe de la Champions Cup. Ouais. Il avait mis une patate. Et là-bas, ça avait été chaud. Et à l'époque, tu jouais avec des vieux briscards. Tu avais Cascarino, Germain, Barthez, qui était tout jeune, qui était resté. Donc voilà. Il y a un truc sur lequel tu as dit que je veux revenir. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le cas Guendouzi. Moi, je suis surpris parce que pour discuter ballon matin, midi et soir et Olympique de Marseille matin, midi et soir, moi, c'est le cas Guendouzi. J'ai le sentiment qu'on ne réalise pas qu'on va perdre quelqu'un de très important. Et que moi, je dis clairement, sans refaire la saison dernière, Tudor, il a tué, il a carré, je m'excuse. Bien sûr. C'était un taulier, tu l'as dit. Aujourd'hui, si tu te retrouves, j'ai rien contre lui, c'est un gentil garçon. Avec quelqu'un qui n'a plus envie. Non, mais si tu te retrouves avec Gigot capitaine, c'est qu'à un moment, il te manque quand même des leaders. Alors certes, le brassard, en général, tu mets ou un ancien ou quelqu'un d'expérience, mais là, tu vas perdre coup sur coup, tu risques potentiellement de perdre, comment il s'appelle, Rongier, Guendouzi. Tu vas avoir un trou, là. Oui. Tu vas avoir un trou. Alors, Kongogbia, c'est bien. Moi, Veretout, j'aime pas. Honnêtement, je suis pas fan. Et puis, il a pas montré pas qu'il était au top la dernière fois. Il est décevant. Il a fait des bonnes choses, mais ouais, après, je dis pas qu'il est nul. Hein, mais... sans oublier, parce que je pense que le tournant de Guendouzi, ça a été quand Tudor l'a basculé. Avec Sampaoli, il jouait sur, on va dire, sur les trois milieux. C'était le joueur le plus haut des trois milieux. Quand il est arrivé Tudor, il a basculé. Donc, sur une ligne deux récupérateurs et un offensif, Tudor l'a récupéré pour le faire jouer un petit peu plus bas en défensif. Alors que toute l'année d'avant, avec Sampaoli, il avait plus joué offensif que défensif. Donc déjà, premièrement, ça a été compliqué de se réadapter à ce rôle-là. Après, il ne faut pas non plus oublier aussi qu'on a beaucoup d'internationaux qui disputeront la CAN. La CAN se disputera en Côte d'Ivoire cette année. On en a beaucoup parlé. Il y en a 9. Notamment en milieu de terrain. Oui. Donc, pour en revenir à Pape Gueye, à Unai, à Harit, ça, c'est des joueurs qui vont partir pour bien la CAN. Bien sûr. On remplace par qui Si Guendouzi n'est plus là, on remplace par qui? Non, parce que même Guendouzi, c'est pas un mec avec qui tu vas dire « Oh mon coco, tu vas jouer quand les autres ils auront la CAN ». Il va te dire « Oh, mais tu crois qu'il y a marqué Jean, lui ?» Non, mais c'est vrai, c'est international. On est bien d'accord, effectivement. C'est un gros souci et c'est très bien d'en parler. On l'a abordé depuis la semaine dernière. Et ce qui fait plaisir, en fait, Omar, je me rends compte, tous les invités qu'on a invités depuis la semaine dernière, tout le monde a le même discours et on pense tous la même chose. Vous écoutez 100% OM, on va faire on va jeter un coup d'œil sur la route et on est ensemble jusqu'à 19h. 18h46, ça y est, les plus gros bouchons sont terminés, ça roule sur les axes de la Provence, il y a juste les rentrées des plages, notamment toujours ce golfe de Saint-Tropez, c'est là où ça coince le plus, pour aller jusqu'à Sainte-Maxime, 39 minutes, pour partir de Saint-Trope jusqu'à Grimaud, 23 minutes, c'est pareil pour Saint-Raphaël, hein, quand vous êtes sur la départementale 559, il y a 12 minutes sur cette route du littoral. On est dans les mêmes temps sur tout ce qui est les routes du littoral. Quand vous rentrez, vous vous mettez environ 15-16 minutes en plus de votre temps de trajet habituel. Vous partagez vos inforoutes au 04 42 38 08 08. L'infotrafic 100% local avec département 13. Contre les incendies, soyons vigilants. 9 incendies sur 10 sont provoqués par l'homme. Plus d'infos sur département13.fr. Jane, The Fool, elle a écrit cet album en étant ici, dans les Calanques, parce qu'elle est dingue de Marseille. Du coup, non, on est dingue de Jane. Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. France Bleu Provence avec Jane et The Fool. 100% OM, 100% OM, 18h-19h, sur France Bleu Provence. Alors moi je dis Rongier, s'il est argentin ou brésilien, il vaudrait 80 millions d'euros. Voilà, il a le malheur de s'appeler Valentin Rongier. Il s'appellerait Rongier Igno, il vaudrait 80 millions d'euros. Valentin, fais comme Brandao, change de nom. Brandao, c'est une escroquerie. Il était brésilien de où de la Capelette. Vous allumez le poste et vous entendez ça, vous dites, mais je suis où? Vous êtes dans le 100% OM. Parce qu'on débrief pour vous pendant que vous écoutez Jane, la femme à Tarzan, là, je sais pas quoi, la chanteuse. Non, débrief. Avec Omar Kedadouche et notre invité qui est champion d'Europe, messieurs, dames, qui est champion de France avec les Minots de Marseille, champion de beach soccer, Mehdi Sarraoui, coach. Il n'est pas coach tout seul de l'équipe senior. Il y a qui avec vous, Mehdi? Il y a monsieur Jair Cardozo. Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre qu'il faudrait noter, dont il faudrait parler. Ouais, parce qu'apparemment, il met des coups de pression et il envoie des messages. Donc, Ramzi Dawadji, si tu nous entends, on pense à toi, laisse-nous tranquille. Ramzi, c'est le sang, Ramzi. Voilà. On... L'air de rien, Véro, mais très courte parenthèse. C'est beau, parce que moi, je suis fan de ça, c'est beau qu'un quartier soit champion de France et champion d'Europe. Ah, parce sûr. Que là, tu n'as pas les pétrodollars d'un État, tu vois non, ce que je veux te dire. Non, on n'a rien du voilà, tout et on est voilà, quand même champion. Tu es là, c'est les mecs qui s'expliquent. Moi, je les connais très bien, ce club. Ça fait les merguez, ça va acheter le pain là, ça va acheter les merguez au boucher du quartier pour le faire travailler, ça va acheter la mayonnaise là où c'est pas cher parce que tu es d'attaque. Et ça fait plaisir. Voilà, cette fraîcheur, ça fait plaisir, tu vois. Alors, voilà. Avant. On parlait d'argent, on parlait de millions. Je peux te dire que nous, les clubs amateurs, on en est très loin, on est là, je ne veux pas faire le miskin, hein, mais on compte nos petits sous et tout. Bon, voilà. Alors, juste, on va interrompre parce qu'on a une info-circuit assez importante. C'est Thierry qui nous appelle de Martigues. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tous. Voilà, déjà, dans un premier temps, il faut surtout dire à tous les auditeurs de ne surtout pas prendre sur la 55 la sortie de Carry. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur la voie rapide, juste après Magic Parkland, après le pont qui est après Magic Parkland, il y a un véhicule complètement sur le dos sur la voie de gauche. Ouh là là là là là là, un véhicule sur la voie de gauche, d'accord. Et donc, okay. Je pense que les gens ont fait exprès, la circulation est complètement bloquée pour éviter le suraccident, je pense. Ils se sont carrément arrêtés sur les deux voies. D'accord, ok, donc, j'ai compris. Ça bloque tout le monde. Si jamais les gens se prennent à sortie carré ce soir, ils en ont pour une heure. D'accord, mais alors ce que je comprends pas, c'est que j'ai absolument rien sur les cartes. Alors je suis en train de... Ça vient d'arriver? D'accord, ok, je comprends mieux. Je viens de passer et il n'y avait même pas 200 mètres de bouchon derrière. D'accord. Donc, la voie rapide, la 55, en direction de Carry, ne pas prendre la sortie Carry, puisqu'il y a une voiture sur le toit, et donc la sortie est complètement bloquée. Merci de nous signaler ça. Totalement bloquée, parce que là, la voie de gauche, la voiture est sur le toit, et que les secours n'en sont pas sur place. J'ai vu 5 ou 6 personnes avec leur téléphone. D'accord. Et les voitures toutes arrêtées. D'accord. Et donc, on attend les secours. Merci de votre réactivité et merci d'avoir appelé le 04 42 38 08 08. Thierry, vous allez écouter le match ce soir? Je suis pas très football, même si je suis un très grand supporter de l'OM, parce que je suis un vrai Marseillais. Mais je suis pas très foot et donc du coup je vais faire autre chose. Mais par contre, je souhaite ardemment la victoire de l'OM, comme toujours. Comme nous tous. Merci beaucoup Thierry, on vous embrasse. Merci. Je vous rappelle donc, ne pas prendre la voie rapide en direction de Carry, la 55, la sortie Carry après Magic Parkland, parce qu'il y a un véhicule qui est sur le toit, sur la voie de gauche, et donc les autres voitures ont bloqué toutes les voies pour qu'il n'y ait pas de suraccident, et donc c'est complètement bloqué. Voilà, on refera un point, c'est promis, pour parler de cet accident. On revient. On revient au 100% OM, voilà, c'était important de le signaler. Faut juste dire aux gens rapidement, Véro, quand il y a un accident, au lieu de filmer pour mettre sur Facebook, TikTok, Insta et machin, tracez votre route. C'est vous qui faites des accidents sur des accidents et des bouchons. Donc parce que moi, la dernière fois, j'ai vu un grave accident à plein de campagne. Les gens, ils s'arrêtaient, ils prenaient des selfies, oh, bande de fada, vous êtes conscients de ce que vous êtes en train de faire? C'est pour ça que Thierry a eu raison. On a tonton Fernand qui est avec nous. Bonjour tonton. Bonjour les amis, excusez-moi, j'avais un petit problème de connexion. Mais il n'y a pas de souci, pas de souci. Et voilà. Et donc je suis un peu désolé d'avoir déplacé le rendez-vous. Vous inquiétez pas, c'est un petit peu bouleversé avec tous ces soucis sur la route. Oui. Tonton qui est là, c'est la mémoire de l'OM, Tonton. C'est un peu notre Clio. Clio, c'était la muse de l'histoire dans le panthéon grec. C'est notre Clio. Et il va avec, bien sûr, on retrouve toutes les infos magiques sur l'OM sur omforever.com. Moi, c'était ma première voiture. Et Tonton, il va nous rappeler, il y en a eu des rencontres face aux Grecs. Ah oui, il y en a eu, et puis mais il y en a pas eu contre le Panathinaikos. Par contre, hein, on a rencontré pas mal d'équipes, notamment des premiers rendez-vous, c'est en 89-90, l'OM avait été champion et c'était en huitième de finale. D'accord. Et on avait rencontré l'AEK Athènes qu'on avait battu 2-0 avec des buts de qui, devinez qui? Sosé, Papin. Papin, et puis Manolas qui avait marqué contre son camp. Ouais, donc on a gagné 2-0 et au retour on avait tiré le nul 1-1 et donc on s'était qualifié. C'était en 1990 et en 1990, vous savez ce qui nous est arrivé. La main de Vata, voilà. Mmh. Et donc on n'a pas pu être champion d'Europe. Bon, on l'a remis un peu plus tard, quoi. Voilà. Mmh. L'équipe qu'on a le plus souvent rencontrée, c'est l'Olympiakos. Oui. On l'a rencontré en tout trois fois, enfin par match aller-retour, donc ça fait six rencontres. La première fois, c'était en 94-95, en Coupe de l'UEFA. Mmh. On avait gagné là-bas 2-1 et gagné 3-0 au retour, donc on avait pu continuer notre chemin. Par contre, en 2011-2012, on a rencontré l'Olympiakos dans la Champions League, dans la partie championnat. Et c'était la première journée et on est allé gagner là-bas, alors c'était plein d'espoir. Et au retour, on avait perdu à domicile au Vélodrome, ça avait quand même jeté un petit froid. Voilà. Puis on a rencontré l'Olympiakos en 2020-2021, il n'y a pas si longtemps. Une défaite là-bas et puis une victoire de 1. Donc c'est quand même, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même des résultats qui sont quand même assez, je dirais, équilibrés, quoi, on va ouais, dire. C'est le fameux 50-50 de tout à l'heure. Et Tonton, je suis désolée, mais on est obligé de rendre l'antenne, malheureusement. Merci d'avoir passé votre tête là. Pourquoi pas tout à l'heure, on se donne rendez-vous pour l'avant-match à 19h45. Je voulais dire merci surtout à Omar et à son invité Mehdi Sarraoui. Et on se retrouve à 19h45 pour l'avant-match et bien sûr 20h en direct pour suivre le match avec Bruno Blanza. France Bleu. Et maintenant avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane. Bonjour Louis-Marie, vous êtes éleveur de volailles dans les Deux-Sèvres et vous êtes client Antargaz qui propose du propane et du biopropane, un gaz liquide renouvelable. Quel usage en faites-vous? Moi j'élève aujourd'hui des poulets, des pintades, des canards et des dindons qui arrivent dans mes 9 poulaillers. Ils sont juste éclos de l'œuf. Donc ces petits poussins, quand on les accueille, il leur faut du confort, il leur faut une très bonne température. Voilà pourquoi j'utilise du gaz propane dans mes bâtiments. Alors pourquoi vous avez choisi Antargaz comme fournisseur d'énergie? Alors, mes poulaillers, ils sont sur 4 sites d'élevage qui n'ont pas de réseau gaz naturel qui passe à côté. Donc, j'ai toujours travaillé avec le gaz propane et je suis avec Antargaz pour la qualité de son transport parce qu'ils ont aussi un service de prise de commande très réactif, ce qui est très important pour notre élevage, surtout en période hivernale. Et pour finir, nous avons un commercial qui chapeaute tous ces services pour nous. Merci et à mercredi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. La Provence, terre de tradition et de savoir-faire. Avec la métropole Aix-Marseille-Provence, découvrez du 21 juillet au 27 août le marché à la céramique et au santon. Une véritable institution qui s'installe sur le cours Foch à Aubagne. Les 12 et 13 août, ne ratez surtout pas la Biennale internationale Argila qui investira tout le centre-ville d'Aubagne. 170 exposants et 15 nations seront représentées. Et cette année, le Portugal sera l'invité d'honneur. L'occasion de découvrir sa créativité en matière de céramique. Plus d'informations sur ampmétropole.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Provence. Très belle soirée, il est 19h, vous écoutez France Bleu et le journal de Thomas Giraudeau. Sur France Bleu, le journal.

Le temps se dégrade demain matin avec quelques averses orageuses attendues sur le centre Val-de-Loire et la Mayenne. Le ciel va se voiler dans le sud-ouest du pays et les nuages vont s'imposer sur tout le long de la côte atlantique. Des éclaircies sur le massif central. En revanche, tout l'est de la France va encore être sous un grand soleil. Les températures demain matin vont être élevées. 17 degrés à Strasbourg, 20 degrés à Rennes, à Tours et à Limoges, 22 à Bordeaux et à Nice, 23 pour Marseille et les maximales 25 à Perpignan. Merci Thomas. Pour nous, pour la Provence, eh bien les maximales, ça sera 34-36 degrés dans l'intérieur des terres et 28 à 30 degrés sur le bord de mer. Concernant la route, je reviens sur cet accident. Thierry nous a signalé un accident très grave. Il y a une voiture sur le toit. C'est sur l'A55 à la sortie Carrie. Ne surtout pas prendre cette sortie. C'est après le Magic Parkland. Il y a donc ce véhicule sur la voie de gauche qui est sur le toit. Les autres véhicules ont bloqué toutes les voies pour qu'il n'y ait pas de suraccident. Donc en fait, ne prenez surtout pas cette A55 et cette sortie, puisque vous risquez d'être bloqué pendant pratiquement une heure. Pour l'instant, les cartes sont vierges parce que ça vient d'arriver. On attend les secours. Si vous en savez plus, n'hésitez pas. On partage la route ensemble. 04 42 38 08 08. On fera des points réguliers. Et puis l'avant-match, c'est à partir de 19h45 avec Fabien Laurenti. 20h, le match à suivre en direct et en intégralité. Panathinaikos. Je vais pas y arriver. Panathinaikos. Voilà, OM. C'est ce soir à 20h avec Bruno Blanza. Troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Panathinaikos OM. C'est ce soir sur France Bleu Provence. Coup d'envoi à 20h. Avant match à 19h45. We'll be right back.